بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 48 بعد 100، 48 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يعثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أعثنا، اللهم أعثنا، اللهم أعثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا كزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسعت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتة. Dans ce hadith, la première partie, Anas ibn Malik dit qu'un homme est rentré dans le masjid le jour de Jumu'ah du côté de la maison de Omar, d'une porte qui était du côté de la maison de Omar. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de faire la khutbah debout. Alors il s'est mis face au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: ô messager d'Allah, les biens sont détruits, que les routes sont coupées, alors invoque Allah pour nous, qu'il fasse pleuvoir, car il vivait une période de sécheresse. Donc le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, a levé ses deux mains. Ensuite il a dit: ô Allah, accorde-nous la pluie, ô Allah, accorde-nous la pluie, ô Allah, accorde-nous la pluie. Et Anas a dit: je jure par Allah que nous n'avons pas vu dans le ciel aucun nuage, ni bout de nuage. Rien du tout, le ciel était vide. Ensuite, il a dit: de derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu un petit nuage de la taille d'un bouclier. Ensuite, il s'est élargi, il s'est agrandi, et après il s'est mis à pleuvoir. Après, il a dit: wallahi, nous n'avons pas vu le soleil pendant au moins une semaine, ni dû à la grande quantité de pluie. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطبه، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودياء ومنات الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. Et ensuite il poursuivit en disant que le jour d'après, un homme est rentré du même côté que le premier dans le masjid, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était debout en train de faire la khutbah de Jumu'ah. Et il s'est mis face au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant que les biens sont détruits et que les chemins sont coupés, alors invoque Allah qu'il retienne la pluie. Donc il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains. Ensuite il a dit: ô Allah, que cette pluie tombe autour de nous et non pas sur nous. Autour de nous et non pas sur nous. Ô Allah, sur le haut des plateaux. Ô Allah, dans le cœur des vallées. Ô Allah, sur les plantations. C'est-à-dire que la pluie ne tombe que sur ces lieux-là. Et après il a dit: Anas, nous sommes sortis du masjid sous le soleil. Le soleil était réapparu. قال الشريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. Et ensuite Shalik, le tabi'i qui a entendu de Anas le hadith, il lui a demandé: est-ce que l'homme qui a demandé en deuxième était le même que le premier? Il a dit: je ne sais pas. Il a dit: je ne sais pas. Non. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الراوي أنس بن مالك، الرابورتور أنس بن مالك، دونك أون ديجا بارلو طابو. موضوع الحديث، سوجي دو حديث، بين حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة. Pour montrer le jugement seulement de faire cette demande de pluie lors de la khutba de Jumu'ah. Donc comme cela hadith le montre, cela est légiféré. يقول في شرح الإجمالي، l'expression globale du hadith: يخبر أنس بن مالك أن رجلا من الأعراب دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطبه فقال مقابل النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما ألم به من القحط الذي هلكت به المواشي وانقطعت به الطرق ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه ملجأ مضطرين ومعيث الملهوفين. في هذا الجمع الكثير على عبادة الله تعالى أن يعيثهم ويزيل شدتهم. Donc Anas informe qu'un homme est rentré justement parmi les bédouins le jour du Jumu'ah, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il est rentré dans le masjid, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah. Il a fait face au Nabi sallallahu alayhi wa sallam en se plaignant de ce qu'il ressentait comme difficulté due à la sécheresse qui avait détruit le bétail et qui coupait les routes. Alors il a voulu du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande à Allah en étant de besoin, dans la contrainte, qu'il leur fasse pleuvoir. Et il a saisi l'occasion de ce grand rassemblement, hein, c'est-à-dire du Jumu'ah, qui était basé sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse accorder la pluie et faire partir ce qu'il vivait comme difficulté. وَلِرَأْفَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَرَحْمَتِهِ بَادَرَ بِذَلِكَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَفَعَ النَّاسَ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ فَدَعَا اللَّهُ ثَلَاث مَرَّاتٍ أن يعيث عباده وكانت السماء سهوة لا يرى فيها من الغيم قليل ولا كثير فأنشأ الله تعالى صحابة صغيرة طلعت من وراء السلع فلما توسطت السماء توسعت فملأت الأفق وأمطرت. Donc ensuite, voilà, justement, en vue de cette compassion dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette miséricorde dont il faisait preuve pour sa communauté, il s'est hâté de répondre à la demande de ce bédouin. Alors il a levé ses deux mains vers Allah, et les gens l'ont fait de même. Et il a invoqué Allah trois fois, en lui demandant qu'il fasse pleuvoir la pluie sur ses serviteurs. Il a dit que le ciel, lui, à la base, le ciel était vide, il n'y avait aucun nuage. Et d'un seul coup, il a apparu un petit nuage qui s'est mis justement à s'agrandir, à s'élargir, à tel point qu'il s'est mis à pleuvoir. وقد جاء في رواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته وخرج الناس يخوضون في المطر حتى كان رجل شديد تهمه نفسه أن يأتي أهله فما يكاد أن يصل إلى منزله وصلت مثائب المدينة ما تقلع إلى الجمعة الثانية وسال الوادي قناة شهرا كاملا حتى انقطعت السبل من كثرة الأمطار. Donc dans une version, il a été dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'est pas descendu de son minbar et la pluie était déjà descendue sur lui et coulée sur sa barbe. Parce qu'à l'époque, leurs toits n'étaient pas comme les toits de maintenant. C'est des toits qui étaient faits à base de feuilles de palmier. Donc l'eau traversait. Ce n'était pas des toits étanches comme maintenant. Et qu'après, les gens sont sortis du Jumu'ah, hein, en marchant sous la pluie. À telle époque, même l'homme fort n'avait qu'une envie, c'est de rentrer chez lui et retrouver sa famille, et il peinait à rentrer, à pouvoir atteindre sa demeure. Donc là, toutes les vallées de El-Medina étaient remplies d'eau. Également, il dit, un Wadi Qanat était rempli d'eau durant au moins un mois. Et cela, également, cette pluie dura jusqu'au deuxième Jumu'ah. Ce qui a coupé les routes à cause de l'abondance de la pluie. Au fil du mois de Sani, دخل رجل آخر أو رجل الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقام مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما حصل من كثرة المطر الذي انقطعت به السبل وغرق المال وتهدم البناء. Donc le jour d'après, un autre homme est rentré, ou peut-être le même, on ne sait pas si c'est le même homme ou un autre. Alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait la khutbah, il s'est mis face à lui et s'est mis à se plaindre justement des dommages subis justement à cause de la pluie. Que cela avait coupé les routes également et cela avait détruit les biens et avait détruit les maisons. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم حولينا ولا علينا اللهم على آكام والضراب وبطون الأودياء ومنابت الشجر. نعم منابت الشجر. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vu cet homme-là le faire, cette demande, s'est mis à sourire. Il a levé ses mains et il a dit: Oh Allah, fais tomber cette pluie autour de nous et non pas sur nous. Oh Allah, sur le sommet des plateaux, ainsi que dans les vallées, et ainsi que dans les plantations, ou sur les plantations. Fada Allah ta'ala yumsikaha amma fihi ad-darar. Bibaqa'iha wa yabqiya ala ma la darar fihi. Fi baqa'iha alayhi. Wa ja'ala yushiru lis-sahab biyadi. Fama yushiru ila nahiyati illa infarajat. Ou infarajat nam. Faja'ala al-sahab yatasadda an al-madinati yaminan wa shimala. ولا يمطر أهل المدينة حتى خرج أهل المسجد يمشون في الشمس سهوا والشمس حول المدينة مثل الإكليل. Donc il dit, après cela, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah qu'il retienne la pluie pour le mal qu'elle pouvait causer sur eux, mais qu'elle reste sur le bien qu'elle pourrait apporter, c'est-à-dire que cette pluie ne tombe pas sur eux, mais qu'elle tombe sur les lieux en besoin d'eau, comme c'était dans le Dora. Et il s'est mis à indiquer vers le nuage avec sa main. Et de là, les gens ont vu que le nuage a commencé à se disperser, à s'écarter de l'Médina, c'est-à-dire que l'Médina maintenant était devenue ensoleillée. Il n'y avait plus de pluie qui tombait sur la ville. Donc les gens sont sortis du masjid sous un soleil clair. Et que les nuages restaient autour de Al-Madina, comme un cercle. Et que les pluies tombaient sur les alentours, et non pas sur la ville. Yaqul min fawaid al-hadith. Jawaz al-istisqa fi khutbat al-jumu'ah. La permission de faire la demande de pluie lors de Jumu'ah. Thaniyan, mashru'iyyati raf al-khatib yawm al-jumu'ah yadayhi fi ad-du'a al-istisqa wan-nas ma'ahu. Qu'il est permis justement au khatib de pouvoir lever ses mains le jour du Jumu'ah pour faire l'invocation de la demande de pluie et que les gens puissent en faire de même. Et même ils disent amin à ces du'a. Thalithan, mashru'iyyati al-ilhah fi ad-du'a. Qu'il est permis d'insister dans l'invocation. Rabi'an, jawaz taklim al-khatib yawm al-jumu'ah lil-haja. Qu'il est permis de parler au khatib le jour du Jumu'ah s'il y a un besoin. C'est-à-dire qu'un homme lui parle. Khatib, celui qui fait la khutbah. Khamisan, jawaz talab al-du'a mimman turja ijabatullah lahu min ahli al-khayr wa salah. Qu'il est permis de demander le du'a à une personne dont on espère qu'Allah lui réponde, car c'est une personne de réforme et de bien. Comme ce fut le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Et par la suite, même les sahaba, comme l'a fait Omar ibn Khattab, en demandant à l'Abbas, l'oncle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de faire la demande de pluie. C'est-à-dire de demander à l'homme pieux de faire un du'a. Cela est une chose qui est permise, mais qu'il ne faut pas non plus être prise comme coutume et comme habitude. Sadisan, zuhur qudratullahi al-bahira fi inzal matar wa msaki. Ce qui montre justement la grande force d'Allah Azza wa Jal, lui permettant de faire de descendre la pluie et de la retenir également. Sabiran, zuhur ayati azimati lil-nabi sallallahu alayhi wa sallam dalla ala sidqihi wa karamatihi ala rabbihi Azza wa Jal. Cela fait apparaître également un signe, c'est-à-dire le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah lui a accordé, montrant sa véracité et son honorabilité. Car Allah Azza wa Jal n'accorde pas de miracle de la sorte, si ce n'est avec ses aouliyés, et les plus grands des aouliyés sont ses prophètes et ses messagers. Thaminan, jawaz al-du'a bi-imsak al-matar haythu yakunu fi bi-darar. Qu'il est permis d'invoquer que la pluie soit retenue pour les dommages qu'elle pourrait causer. Tasiran, hikmat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi du'a'ihi bi-imsak al-matar amma fihi darar duna ma la darar fihi. Ce qui montre la sagesse du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle n'a pas demandé ce que la pluie cesse complètement, mais juste qu'elle cesse dans les lieux où cela pourrait causer des dommages, mais qu'elle continue dans les lieux en besoin de pluie. Naam. Hadha alladhi akhadhna al-yawm min al-hadith, walhamdulillahi rabbil alamin.